Cette salle, tu cherches son visage. Il y a des jeux de lumière, mais il manque d'éclairage. Soudain, tu crois l'apercevoir dans tout ce remue-ménage. Mais à regarder de plus près, ce n'était qu'un mirage. Peut-être qu'elle sera là demain. Peut-être que tu la reverras. Qu'elle sera là demain. Peut-être qu'elle viendra même prendre ta main. Tu te souviens de ses yeux, de sa voix, de son sourire, de vos deux corps qui dansaient, des baisers, du plaisir. Une seule nuit de magie et tant de choses à venir. Une promesse de bonheur qui ne pouvait que grandir. Peut-être qu'elle sera là demain. Peut-être que tu la reverras enfin. Peut-être qu'elle sera là. Elle viendra même prendre ta main. Dehors le jour a chassé la nuit, les gens quittent le bal. Il ne sert à rien de rester, mais tu as tellement mal. Pourquoi n'est-elle venue qu'une fois, ici dans cette salle? Un jour elle sera de retour, à l'idée ton cœur s'emballe. Peut-être qu'elle sera là demain. Peut-être que tu la reverras enfin. Peut-être qu'elle sera là demain. Peut-être qu'elle viendra même.